Chapitre 28e. Joseph était témoin de toutes ces petites misères et il essayait d'y remédier de son mieux. Son sénateur n'avait pas quitté Paris, et bien qu'il n'eût plus de discours à préparer, il avait gardé Toussaint près de lui par habitude et aussi pour avoir un compagnon pendant ces tristes journées du siège. Quand le brave garçon n'était pas de service près de son patron ou au rempart, il accourait chez Madame Sénéchal, apportant chaque fois, en guise de provision, une de ces fameuses conserves enfermées dans des boîtes de fer blanc qui ont joué un si grand rôle dans l'alimentation du siège. Sous prétexte que les restaurants étaient inabordables, il était souvent le commensal des deux femmes et trouvait ainsi moyen de faire accepter quelque argent à la mère Sénéchal. Il prétendait que sa chambre était trop étroite pour qu'il y pût loger à la fois du bois et des livres, et sous couleur de transformer son bûcher en bibliothèque, il fit porter rue du Dragon deux ou trois crochetés de bois. Le soir, quand, après un frugal souper de riz et de cheval braisé, il se vit assis, lui troisième, dans la chambre d'Angèle, en face d'une belle flambée, quand il contempla les deux figures de la mère et de la fille épanouies sous l'influence d'une tiède chaleur, il se frotta les mains avec délice. « J'aime l'hiver, » s'écria-t-il en devenant lyrique. « J'aime la solitude du logis gardé au dehors par le vent, ce chien plaintif, égayé au-dedans par ce conteur pétillant d'esprit, le feu de bois. Et puis, quand je me retrouve entre vous deux dans cette chambre bien close, j'oublie les remparts, la garde nationale et les Prussiens bivouaquant autour de Paris. Il me semble que nous sommes encore à baie, et que tout à l'heure nous allons entendre la cloche de la tour de l'horloge sonner le couvre-feu. » Madame Sénéchal souriait. Angèle soupirait d'un air distrait en enfonçant son aiguille dans le gros drap d'une vareuse. Elle n'était pas dupe des prétextes inventés par Toussaint pour colorer ses délicates prévenances. Mais elle le laissait faire sans paraître ni froissée ni confuse de son aumône déguisée. Son esprit était ailleurs, elle vivait avec ses souvenirs, et les terribles incidents du siège semblaient à peine éveiller son attention. D'ailleurs, une préoccupation de plus en plus troublante l'absorbait. Elle ne pouvait plus douter de sa grossesse. Comme elle était grande et qu'elle portait des vêtements flottants, son état n'était pas encore visible. Mais sa santé commençait à s'altérer, et elle voyait avec de violents battements de cœur s'approcher le moment où elle serait contrainte de tout avouer à sa mère. En dépit de la tendresse et de l'indulgence de Madame Sénéchal, ce n'en était pas moins un aveu humiliant et difficile à faire. Elle tremblait surtout que Joseph ne s'aperçût de quelque chose, et elle usait de toutes sortes de petites ruses, pour que le pauvre garçon ne vît pas le changement survenu dans sa personne. Précaution bien inutile, car Toussaint, si clairvoyant quand il s'agissait des plus subtiles nuances de sentiment, était d'une innocence enfantine en pareille matière. Dans le courant de novembre, Joseph, enrôlé dans les bataillons de marche et pris par des devoirs militaires plus sérieux, n'apparut que rarement chez Madame Sénéchal. Ce fut le moment que choisit Angèle pour tout révéler à sa mère. Un soir où la pluie battait violemment les vitres et où les deux femmes achevaient la tâche de la journée, elle se leva silencieusement et, se plaçant devant Madame Sénéchal, elle lui avoua, en quelques paroles brèves, prononcées d'une voix tremblante, la faute commise au mois de mai et la grossesse qui en était la conséquence. Ce fut un coup de foudre pour la mère Sénéchal, qui à tout instant vantait l'impeccable vertu de sa fille. Elle se sentit profondément blessée dans sa dignité et dans son amour-propre. L'idée d'avoir été prise pour dupe par René des Armoises vint encore ajouter à son ressentiment. Dans un soudain accès de colère, elle saisit Angèle par le bras et la poussa dans la salle à manger obscure dont elle referma violemment la porte en éclatant en malédiction contre sa fille et contre René. Restée seule, elle continua à marcher de long en large en lâchant la bride à toutes les phrases de romans qui le revenaient à l'esprit et qu'elle assaisonnait des plus grands mots de son vocabulaire meusien. Angèle, la tête appuyée contre le mur de la salle à manger, entendait tous les éclats de cette tempête et pleurait silencieusement. À un moment où les imprécations étaient montées à leur plus haut diapason, elle ouvrit la porte du carré pour s'enfuir. Mais la mère Sénéchal, qui la guettait sans en avoir l'air, s'élança dehors et serrant la main de sa fille. « Où vas-tu encore ? » s'écria-t-elle en la forçant de rentrer. « Espères-tu retrouver le misérable qui t'a abandonné ?»« Non, » répondit Angèle, « mais puisque tu m'abandonnes, toi aussi, il ne me reste plus qu'à me jeter à la Seine. » Elle disait cela d'un air si navré et si convaincu que la bonne dame sentit brusquement se fondre sa colère. Elle prit sa fille dans ses bras, la porta plus qu'elle ne la conduisit vers le canapé. Puis elle la fit asseoir sur ses genoux et se mit au devoir de la consoler en lui parlant comme à un enfant. « Certes non, » murmura-t-elle en berçant Angèle et en couvrant de baisers ses joues humides. « On ne l'abandonnera pas, le pauvre petit être. Au contraire, on l'aimera et on l'adorera. D'abord, il sera beau comme un Jésus. Il te ressemblera et il aura comme toi du talent. « Pauvre mignon, » reprenait-elle en s'apitoyant. « Nous le dorloterons, et tu verras les amours de costume que je lui confectionnerai. Il ne sera pas habillé en bleu ou en blanc, comme les enfants des autres, non. Il aura une robe écossaise avec une toque. Ce sera bien plus distingué. Tiens, chérie, vois-tu, maintenant que le premier moment d'ahurissement est passé, je me trouve heureuse de la venue de ce Borbala. Nous sommes si seuls au monde. Eh bien, au moins nous aurons un homme pour nous défendre. » Cette idée ramena un sourire sur les lèvres d'Angèle, et elle embrassa sa mère avec passion. La paix était signée, et il fut convenu qu'on tiendrait la chose secrète jusqu'au dernier moment. « Surtout, » recommanda la jeune fille, « jure-moi de ne pas en dire un mot à Joseph. Je mourrais de honte devant lui, si je savais qu'il est informé de ma situation. » La mère sénéchale promit ses grands dieux de se taire, et elle se tut en effet. Mais quand elle se retrouvait seule avec sa fille, elle se rattrapait. Et la conversation roulait uniquement sur le petit homme, car ce devait être un garçon. La bonne dame n'en démordait pas. Elle lui confectionnait déjà des tabliers brodés, des chaussons de laine, des petits bas rouges, et elle oubliait l'essentiel, des chemises et des langes. À l'entendre parler de l'enfant, on aurait dit qu'il devait avoir 3 ans en venant au monde. Ainsi se passèrent les pénibles journées de novembre et de décembre. Joseph était aux avant-postes et faisait, au port à l'anglais, le rude apprentissage du métier de soldat. Quand il en revint au 31 décembre, il apporta, en guise de cadeau du jour de l'an, une demi-douzaine de grosses pommes de terre qu'on mangea le noir sous la cendre. Angèle était vêtue d'un grand peignoir gris qui dissimulait sa taille, et le brave Toussaint regagna son cantonnement sans se douter de rien. Le plus sombre temps du siège vint alors, le temps du pain de criblure d'avoine, des soirées passées sans feu et des nuits brusquement troublées par le bombardement. Les rues éclairées au pétrole et plongées dès 10 heures dans une lugubre obscurité avaient un aspect lamentable de solitude et de désolation. La vie devenait de plus en plus dure, mais tout cela glissait sur ces deux femmes absorbées dans l'espérance de cet enfant dont elles faisaient à l'avance un dieu. Près de l'âtre éteint, les projets et les chimères allaient leur train malgré le sinistre sifflement des obus qui passaient jusque par-dessus la rue du Dragon. En frissonnant, à chaque éclat de bombe, les deux femmes, au bout de leurs doigts glacés, envoyaient des baisers à l'enfant de leurs rêves. « Il sera intelligent, » disait Angèle, « je l'endormirai en lui récitant des vers. Nous en ferons un poète, tu verras, mère. Nenni, foin des poètes !» grommelait Madame Sénéchal, enfonçant le sourcil au souvenir de René des Armoises. « Enfin, il sera un grand artiste. Il sera un honnête homme, » reprenait sentencieusement Madame Sénéchal. Cependant, quand parfois Angèle restait seule dans sa chambre sans feu, où les fenêtres ne laissaient pénétrer qu'un jour gris, quand dans la rue les tambours battaient et que les clairons poussaient leurs notes stridentes pour appeler les gardes nationaux aux remparts, la figure de la jeune fille s'assombrissait et la peur de l'avenir la prenait. La vie débilitante du siège, le manque d'exercice et de nourriture, les terreurs du bombardement, influaient à la fois sur sa santé et sur son esprit. Elle avait une toux sèche, des accès de larmes et une faiblesse toujours croissante. Alors elle plongeait son front dans ses mains et songeait. Quand on est misérable et abandonné comme je le suis, doit-on se réjouir d'avoir un enfant? Pourvu que le pauvre être ne me reproche pas un jour de l'avoir mis au monde, pourvu que je ne meure pas avant d'avoir pu l'élever. » Puis le roulement des tambours s'éloignait et s'éteignait. Un rayon de soleil filtrant à travers les nuages entrait jusque dans la chambre. Des moineaux se mettaient à gazouiller sur les corniches des fenêtres. Et peu à peu aussi, les pensées d'Angèle s'éclaircissaient. Une lueur de gaieté se ranimait au fond de son cœur, si prompt à espérer, et elle murmurait, en reprenant son aiguille, « Bois, Dieu qui m'a donné cet enfant, me donnera aussi des forces et du courage. Nous ne serons pas toujours malheureuses. Un enfant qui arrive, cela porte bonheur comme une hirondelle qui fait son nid au toit d'une maison. »